Les militaires et civils coréens condamnent sévèrement la résolution de sanctions illégitimes de l'ONU, conséquence des sanctions et pressions scélérates et des manœuvres de provocation des États-Unis et de leurs suivistes, et défis ouverts contre la Corée. Sin-guk Chol, officier de l'armée populaire de Corée, a dit comme ce qui suit. Cette résolution de sanctions de l'ONU est une grave atteinte à la souveraineté et au droit à l'existence de la Corée, et montre à quel point sont les manœuvres d'isolement et de pression des États-Unis, ennemis jurés de la Corée. Si les impérialistes américains n'abandonnent pas la tentative téméraire contre notre pays et conduisent toujours la situation au seuil de la guerre, la puissance militaire révolutionnaire Baek-Tusan, formée par les commandants prestigieux, mettra le territoire américain à feu et à sang avec les armes invincibles et remportera à coup sûr la victoire finale dans la guerre sacrée contre les États-Unis. Yang Hong, vice-ministre de l'industrie métallurgique, Ki Sung-nam, chef de la troupe des travaux de construction des chemins de fer Hisan Samji-yon de la direction 216, et Kim Dong-sung, président du comité gestionnaire de la ferme coopérative de Bosan de l'arrondissement de Kangso de la ville de Nampo, ont souligné comme ce qui suit. Les États-Unis ont fait adopter la résolution de sanctions pour boucler les activités de commerce et l'échange économique en usurpant le nom du Conseil de sécurité de l'ONU. On ne peut pas tolérer les manœuvres pour supprimer notre idée, notre régime et notre peuple. Puisque les États-Unis ont fait adopter la résolution de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU en mépris de notre avertissement, notre pays fera payer tous les crimes commis de siècle en siècle par les ennemis.